arrive. Il le publie en 1932, et ça n'est pas du tout la morale que les uns et les autres attendaient. Les uns attendaient une morale irrationaliste ceci, les autres une morale guerrière. La morale de Bergson, c'est la distinction du clos et de l'ouvert. La finitude de l'espèce humaine n'est pas seulement spatiale, mais sociale, et elle conduit à la guerre. Et c'est les limites de la vie, et c'est en nous, irréductiblement. Mais il y a un reste de création possible, et ça se traduit chez l'homme par une morale ouverte, c'est-à-dire une morale qui n'est pas seulement pour nous contre les autres, mais qui est non seulement pour tout le monde de manière logique, c'est pas un universel logique, mais qui résiste à cette clôture et qui, en effet, lutte contre la guerre pour la paix, et c'est toujours le critère moral de la mystique bergsonienne. Bon, puisqu'il défend le fait que ce sont seuls les grands mystiques qui ont produit cette morale ouverte. Mais le point important... Donc la guerre est inévitable, mais le mysticisme peut nous en sauver. Le mysticisme fondé sur le critère de la morale, effectivement. Non seulement peut nous en sauver, mais nous, il y a des individus qui surgissent, des grands hommes de bien, comme dit Bergson, qui surgissent pour nous délivrer de la fatalité de la guerre. Mais ils auront, la fatalité de la guerre va toujours revenir. On n'est pas sauvé. On n'est jamais sauvé définitivement. Mais on a la graine est semée, la braise est là, qu'il faut toujours reprendre contre la guerre. Et on est toujours dans ce combat du clos et de l'ouvert. Le thème de la société ouverte, qui de Bergson a aujourd'hui en France, hein, noté